Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM, que j'ai intitulée « Faire semblant, épisode 2 », puisque j'ai déjà eu ce titre il y a quelque temps. Que va-t-il ressortir du grand débat ? La montagne que l'on s'en fait ne va-t-elle pas accoucher d'une souris livrée à un chat libéral ? Qui dévorera bien sûr ce chat libéral ce que bon lui semble. Certes, l'expression citoyenne est toujours utile. Et si le gouvernement actuel n'en tient pas compte, ou si peu, il se prépare des lendemains qui déchantent. D'attendre des résultats traités à l'aide d'un programme informatique par un institut privé, la démolition des services publics continue de plus belle. Alors à quoi bon demander l'avis des Français, puisque Macron n'entend pas changer de ligne politique et souhaite poursuivre sa politique économique ultralibérale. Je la qualifie à dessein d'ultralibérale, puisque seul le marché compte dans une économie mondialisée. L'intervention de l'État, de la puissance publique, ne peut concerner que le maintien de l'ordre, un encadrement du marché à la seule application des règles de concurrence, sans créer trop de contraintes aux multinationales. Comme Monsanto Bayer, qui dégrade notre environnement en engrangeant des profits au détriment de notre santé et des pays pauvres. Marchand disait de vivant, y compris en imposant des brevets, est la pratique favorite de ces trusts multinationaux qui décident pour nous des monopoles sur certaines pratiques, s'attribuant la distribution de pesticides que les États ne veulent pas interdire, la France en tête. Marchand disait la santé. Notre santé est l'objectif du gouvernement qui s'apprête à restreindre les moyens donnés à l'hôpital public par l'application du plan de santé 2022, qui va être voté prochainement, n'en doutons pas, par une assemblée de godillots dont les membres, n'en doutons pas non plus, vont déplorer les résultats sur le terrain. Toute honte bue. La duplicité, l'hypocrisie devenant une manière de gouverner. Car enfin, ce plan santé, que prévoit-il ? Essentiellement de s'appuyer sur le privé et non plus sur l'hôpital public pour l'accès aux soins. Il ne resterait plus que des centres de soins de proximité avec des médecins généralistes, de plus en plus rares, des assistants médicaux et des auxiliaires médicaux pour traiter, y compris les urgences. D'hôpital ne constituant plus qu'un plateau technique avec un minimum de soignants. Alors que le rôle de l'hôpital, le rôle traditionnel de l'hôpital, a toujours été un rôle d'accueil tout public et que cela s'est concrétisé par des dépenses de sécurité sociale, 50% environ des dépenses d'assurance maladie, mais en revanche une qualité des soins qui lui attribuait une première place dans le monde. Aujourd'hui, avant même l'application du plan santé, nous serions à la 14e place. Et demain, l'on peut craindre une dérive à l'américaine dans laquelle le patient est devenu client, d'ailleurs on utilise déjà ce terme, et soigné non plus selon ses besoins, mais selon ses moyens, comme c'est déjà le cas dans le privé où les dépassements d'honoraires et les prestations annexes sont dépendants du niveau de remboursement, du reste à charge. Par les complémentaires santé, bien entendu. Concurrence entre mutuelles et compagnies d'assurance oblige. Le libéralisme économique s'introduit partout et va de plus en plus intervenir dans le domaine de la santé, grâce à Buzyn et Macron. Que dire des populations rurales et montagnardes et leur accès aux soins ? On doit craindre le pire si ce plan santé se réalise. En ce qui nous concerne, l'hôpital de Remiremont est particulièrement visé par cette restriction dans l'accès aux soins. Pourtant, l'expression populaire déplore cette politique mise en œuvre par un gouvernement qui néglige toujours davantage la possibilité égalitaire d'accès aux soins, que l'on soit à n'importe quel point du territoire et même si l'on a de faibles moyens. Il est question, semble-t-il, pour le gouvernement actuel, de revenir sur les réformes qui ont été régressives avec des conséquences funestes sur le pouvoir d'achat, sur les droits des salariés. Demain, c'est l'assurance chômage, les retraites qui seront visées par ces réformes régressives, qui créent toujours plus d'inégalités et de souffrances. Quant à l'immigration, la politique sarkozienne est poursuivie dans toute sa rigueur. Pour exemple, non limitatif, bien entendu. Demain, dans les universités françaises, l'accueil d'étudiants étrangers se fera sur des critères financiers, puisque le gouvernement a multiplié par 10, ou presque, les droits d'inscription dans les facs pour ses étudiants. Nous sommes à plus de 2 500 € aujourd'hui. Qu'en est-il du rayonnement culturel de la France et de nos principes humanitaires? Dans notre société, à la mode Macron, seul compte le fric. Société mondialisée à la mode anglo-saxonne, qui domine déjà notre culture et notre économie, soit dit en passant. Société qui donne raison aux nationalismes les plus autoritaires, aux dictatures les plus oppressantes, puisque le fric prend le place sur l'humanité, la fraternité entre les peuples, mais aussi sur l'écologie, d'où la révolte des jeunes à travers le monde, qui est particulièrement d'actualité aujourd'hui. Quelle planète, quelle humanité léguerons-nous à nos enfants et petits-enfants? Je vous laisse méditer tout ce jour, toute cette journée que je vous souhaite la meilleure possible, et je vous donne rendez-vous jeudi prochain si tout va bien.